cigarette devant la fenêtre. J'entends les oiseaux cet enfer. Il y avait ce cadeau j'ai le cœur si chaud la nuit même parfois. Joie.